City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans un nouveau numéro inédit de votre capsule musicale hebdomadaire. Bon, vous connaissez déjà la formule de Music and the City, mais on va la rappeler tout de même. Music and the City, c'est une demi-heure de musique en compagnie d'un animateur un peu dingue, et ça c'est moi, et de 5 artistes que je vais vous présenter. Pour faire justement le plein de musique pour chaque jour de la semaine. Et on débute ce soir cet épisode avec Elsa Esnou, que l'on a découvert la semaine passée lors de l'émission spéciale AB Productions. L'interprète de Fanny Grayson dans la série à succès Les Mystères de l'Amour propose ce soir le premier extrait de son album qui est sorti déjà il y a un an, me semble-t-il. Le titre s'intitule « Je suis là-haut » et franchement, on adore et on a envie de la suivre là-haut. Alors on y va. Bonne écoute, bon début de soirée à vous sur Fadjet. Choisir qui sera mon avenir.

Music in the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. L'OVNI musical de la semaine est attribué à Cyril Schreiner. Personnalité publique connue grâce à son excentricité sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 19 ans n'a peur de rien. Son credo, la fierté d'être alsacien. Jusqu'au point de porter très régulièrement la tenue traditionnelle alsacienne dans toutes ses vidéos sur Instagram. Des hurlements, des expressions improbables et un rire somme toute débile, mais très très drôle. Le jeune homme a tout pour nous faire hurler, et c'est tant mieux. Jusque dans la chanson même, bah oui, avec son titre « Chator, Chater, Chefalid ». Notez bien quand même la prononciation qui rappelle l'accent du pays des cigognes. Je me suis totalement pris d'affection pour ce dingue d'Instagram, et la chanson justement rappelle des titres comme « Disco Beach » ou encore « Helmut Frist » avec « Ça m'énerve ». C'est complètement original, c'est barré, c'est drôle, c'est bien produit, et c'est à découvrir tout de suite dans Music in the City. Cyril, et toi, tu vas chez Little? Qui me ramène Chevalita Château, Chater, Chevalita. Mais des fois, je dis nine. Je dis nine. Ah oh, oui, oui, oui. Je veux prendre un snap avec une amie. C'est la décadence, la rechute. Ah oui, oui, oui, la rechute. J'arrive dans le club en mode VIP. Le DJ passe mon son, on danse toute la nuit. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Château, Chater, Chevalite. Mais des fois, je dis nine. Music in the City sur Fadjet. Leader des Black Eyed Peas, will.i.am a été un peu trop médiatisé au début des années 2010, je n'ai pas peur de le dire. De nombreux featuring avec des artistes comme Eva Simmons, Justin Bieber ou encore Miley Cyrus. L'album Willpower, justement, a connu un destin quelque peu tragique. Ce disque presque terminé s'est retrouvé intégralement en libre écoute et en téléchargement illégal sur Internet. Bon, ça a été un sacré coup dur pour will.i.am, mais il s'est très très très rapidement décidé à rebondir pour reprendre toute la production à zéro. C'est également de cette façon qu'un duo avec une certaine Britney Spears a vu le jour. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. C'est surtout le titre Bang Bang, aux sonorités très années 20, que je voulais vous proposer ce soir. C'est une chanson qui est très peu médiatisée, il y a eu un clip, et qui avait tout d'un tube en puissance. Passer un peu à la trappe, c'est dommage, mais ça c'est pas grave, parce qu'on en profite tout de suite dans Music and the City. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang, bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang, bang. And oh, I love her, so that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth, them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown. Freaky style, freaky, but my baby's always sneaking out, sneaky bitch, but damn I love her, so that's why I gotta let her know that I'll be here for her, I'll always be her man, and baby that's the truth, you my chick, mother goose, I got that proof, I put that diamond on that hand. Artistes oubliés reviennent dans Music and the City. déjà parlé maintes fois de Madonna dans cette émission, mais ça c'est un peu logique. Il s'agit tout de même de la reine de la pop, mince. Alors forcément, quand votre carrière est relayée au firmament, c'est une logique que de voir des reprises arriver sur le marché. Ce fut le cas avec la chanteuse turque Buz Unlu, qui a repris les plus grands tubes de la Madonna dans un album complètement mad. C'est justement le titre du groupe, Mad House, qui reprend donc du Madonna, vous l'aurez compris, en version house music. Ce fut un succès mondial en 2002 avec la reprise de Like a Prayer, qui avait repris une dimension complètement nouvelle et pour l'époque inattendue. Je suis certain que vous avez oublié cette version. Alors c'est l'occasion de se replonger 15 ans en arrière avec de la bonne house music des années 2000. Et ça c'est cadeau. Feel Music in the City sur Fadjet. On se quitte avec Madhouse et Like a Prayer, reprise de Madonna. Ce fut un plaisir, une fois encore, de partager cette émission avec vous et de vous retrouver, comme chaque semaine, le lundi, de 19h à 20h en direct et la rediffusion du samedi, de 18h30 à 19h. Le Facebook vous attend, comme chaque semaine, fadjet-musicandthecity. Quant à moi, je tire ma révérence puisque je pars en congé, mais je vous retrouve quand même lundi prochain avec une émission en direct qui débutera avec un petit peu de Will.i.am et de Britney Spears et pourquoi pas. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine, ciao ciao.